Chapitre 15e, la marguerite rouge. Ce même soir, Irène revint au palais Yaroslav, qui le rappelait de si douloureux souvenirs, pour attendre le point culminant de son calvaire. Elle traversa la ville, sa voiture ostensiblement escortée par 4 cavaliers. Tous ses projets de fuite n'avaient pu aboutir à cause de la surveillance perpétuelle dont elle était l'objet, et son dernier espoir s'était évanoui lorsqu'elle avait découvert que l'immeuble dans lequel elle occupait un appartement par ordre de Bulba était en la possession de la garde soviétique. Elle gravit l'immense et lugubre escalier qui avait hanté ses cauchemars d'enfant, traversa le bureau que Bulba lui avait fait balayer la veille et pénétra dans le petit salon où restaient encore quelques vestiges de l'ancienne splendeur. Une petite femme trapue, moustachue, avec une verrue au menton, était assise sur le canapé, ses pieds touchant à peine le sol. La grande-duchesse devina qu'elle était en présence de sa demoiselle d'honneur. C'était Maria Badisikaya, jadis cigarière dans une fabrique de la ville, aujourd'hui membre du comité de répression de la contre-révolution. Elle était habillée de satin vert, largement décolleté, un bandeau de diamants dans ses cheveux noirs et raides, et se nettoyait les ongles avec un canif lorsqu'Irène rentra. Elle s'interrompit alors pour crier d'une voix perçante. « Vous êtes en retard, Irène Yaroslav. J'ai autre chose à faire qu'à vous attendre. Nous avons une réunion du comité à 10 heures. Allons, dépêchez-vous. » Elle se précipita dans l'antichambre et revint, les bras chargés de vêtements qu'elle étala sur les chaises et le dossier du canapé en disant « Voilà votre toilette, ma petite. Tout y est. Bulba n'a rien oublié. Ah là là, quel homme !» La jeune fille regarda et frémit. C'était une idée de Bulba. Nul autre que lui n'aurait pu la voir. Chacune des parties de la toilette était rouge, d'un rouge sang, d'un rouge qui semblait remplir la pièce de sa note criarde. Chez les Russes, le mot rouge était synonyme de beau, et ce que les gens civilisés trouveraient voyant leur paraît simplement merveilleux. Les manières de Maria Badisikaya changèrent tout à coup. D'arrogante, d'impatiente qu'elle était, elle devint obséquieuse et attentionnée. Peut-être, se disait-elle, qu'Irène allait devenir l'épouse de l'homme le plus puissant de Moscou. « Je vais vous aider à vous habiller, ma petite colombe, » dit-elle. « Je préfère m'habiller seule. Veuillez m'attendre dans la chambre à côté, Maria, » répliqua la jeune fille. « Mais je vous assure que je vous suis utile, ma petite chérie. Allez-vous-en, » commanda impérieusement Irène. « Bien, excellence, » balbutia la femme et elle sortit. La grande duchesse s'habilla rapidement et se regarda dans la glace. Elle était superbe, mais effrayante. On frappa la porte et Maria reparut. « Il vous envoie chercher, ma colombe. Prenez mon bras. Ne tremblez pas, ma petite belle. Bulba est un brave homme et c'est le plus grand personnage de Moscou. » Irène la repoussa et marcha d'un pas vif vers le grand salon, car elle avait hâte de voir se terminer son supplice. La pièce était bondée de monde. Le magnifique salon que dix tsars avaient honoré de leur présence pendant 10 générations de Yaroslav était envahi par le peuple. Quelques hommes portaient un uniforme militaire, d'autres, un indescriptible costume, sorte de compromis soviétique tenant de l'uniforme de diplomate et de l'habit de soirée. Les femmes offraient le même aspect disparate dans leurs toilettes de fantaisie. L'atmosphère empestée de tabac était bourdonnante du bruit des conversations. Lorsqu'Irène entra, quelqu'un prononça son nom et la salle éclata en applaudissements. À l'autre bout de la pièce, on voyait une table couverte d'un tapis rouge derrière laquelle était assis l'un des nouveaux magistrats de la ville. Poussée par Maria, la grande-duchesse se fraya un passage à travers les groupes pressés. Irène s'arrêta devant la table, ses mains jointes légèrement crispées, mais la tête haute et le regard ferme et dédaigneux. Bulba fit son apparition, et cette fois ce fut un tonnerre d'applaudissements qui l'accueillit. Jamais encore on n'avait vu dans un pareil costume. Quelques-uns pensèrent que c'était le nouvel uniforme des commissaires imposé par le soviet, d'autres qu'il avait été créé pour la circonstance. Irène, seule, comprit, et un sourire méprisant éclaira une seconde son visage de marbre. Elle avait reconnu l'habit vert et or, les culottes courtes et les bas de soie blancs que les domestiques des Yaroslav portaient dans les grandes occasions. Raffinement de vengeance, Bulba se mariait en livrée de gala. La cérémonie fut courte et sans aucune valeur pour Irène. Le mariage religieux était remplacé par une sorte de parodie très brève. Bulba fut conduit auprès de la jeune fille. À tâtons, il lui tendit la main et par pitié pour sa cécité, elle la prit. Puis, Quelques questions furent posées au marié qui répondit, à la mariée qui ne répondit pas. La grande-duchesse savait à l'avance que tout dans la célébration de ce mariage ne serait que bouffonnerie, mais elle avait accepté d'y venir afin de gagner du temps. À partir du moment où le magistrat prononça la formule qui faisait d'elle, aux yeux du soviète, la femme de Bulba, ce dernier ne lâcha plus sa main, la serrant dans la sienne, moitié chaude, si fort que les doigts d'Irène en devinrent insensibles. C'est ainsi qu'ils retraversèrent tous deux le grand salon, allant de groupe en groupe et les invités s'écartant sur leur passage. Dans une des trois autres pièces de réception, on se rassemblait déjà pour organiser les danses nationales. Tout en marchant, Bulba parlait à voix basse, pressant un peu plus fort la main de sa compagne lorsqu'il voulait attirer son attention. « Dis-moi, mon petit pigeon, tes pauvres amis n'ont pas eu de chance. » Irène se sentit frissonner et serra les dents pour entendre la suite. « Ils ont essayé de s'échapper et ont été tués à bout portant par nos braves sentinelles. C'est dommage, car pour l'amour de toi, je leur aurais fait grâce à tous, sauf au voleur qui a cassé la tête du camarade Alex Alexandrov. Oui, je leur aurais pardonné ce soir, parce que je suis heureux. Sinon, ils seraient morts à l'aube avec Sofia Kensky. » « Es-tu contente que j'aie renvoyé cette femme qui était mes yeux ? C'est par amour pour toi, mon petit pigeon, tout par amour pour toi. » À certains moments, elle aurait crié. Par moments encore, elle se sentait prise de vertige, voyait la chambre tournant autour d'elle et serait tombée sans le bras de son compagnon. Mais hélas, l'heure tant redoutée arriva, et la compagnie, s'éparpillant avec de grosses plaisanteries à son adresse, elle resta seule avec Bulba. « Sont-ils tous partis ? » demanda-t-elle avec impatience. « Il ne reste personne. » Et se rapprochant d'elle, « Montons, ma petite femme, là-haut, nous trouvons un petit souper préparé pour nous deux. » Sur le palier, Irène jeta un regard vers sa chambre d'autrefois, située au bout du long couloir. Son piano y était-il encore ? À gauche, c'était l'appartement de son père, composé de deux pièces luxueuses, séparées par de lourds rideaux de soie, la chambre à coucher et le bureau. Ce fut dans le bureau que l'aveugle entra en tâtonnant, et traînant toujours Irène derrière lui. La table du milieu était couverte de bouteilles et de verres, et encombrée de coupes de fruits ou de sucreries autour de l'inévitable samovar. « Je vais fermer la porte à clé, » dit Bulba. « Maintenant, ma petite beauté, vous allez m'embrasser sur les yeux, sur la bouche et sur les joues, en forme de croix. » Au lieu de répondre, d'un violent effort, Irène s'arracha à son étreinte, mais d'un bond, il l'avait rattrapée et saisie à l'épaule par son corsage. Elle se débattit et lui échappa de nouveau, gardant la marque de ses ongles sur sa peau blanche. Alors il s'arrêta, un lambeau de soie dans la main, et se mit à rire, d'un rire sourd, terrible. « Oh, Altesse, ria-t-il, vous voulez voler sa jeune épouse à un homme aveugle ? Eh bien, soyons aveugles tous les deux. » Maladroitement, il alla jusqu'à la porte et, tournant le commutateur, plongea la pièce dans l'obscurité. « Je suis plus à mon aise que vous, maintenant, dit-il. Je vous entends, je peux presque vous voir. Tenez, vous êtes au coin de la table, en ce moment, vous poussez une chaise. Venez près de moi, mon petit pigeon. » Tandis qu'il parlait, Irène pouvait se croire sauve, parce que le son de sa voix lui indiquait l'endroit où il se trouvait, mais dès qu'il se taisait, elle se sentait envahie par une terreur folle. Lui avançait silencieusement comme un chat, et l'orgueilleuse prétention qu'il avait de voir dans la nuit semblait justifiée. Une fois, sa grosse main toucha le cou de la jeune fille qui sauta en arrière juste à temps pour l'éviter. Maintenant, Bulba respirait d'une façon bruyante et son persiflage s'était changé en une fureur mal contenue. « Approchez, Irène Yaroslav, dit-il d'un ton brutal. J'ai assez souvent obéi à vos ordres, n'est-ce pas ? Que de fois j'ai attendu la nuit entière pour vous voir descendre de voiture et vous servir votre café. Désormais, c'est vous qui m'attendrez. Vous serez mes yeux, mes mains, et quand je serai fatigué de vous, vous aurez le sort de Sofia Kensky. » Pendant qu'il parlait, Irène tâchait de se faufiler jusqu'à la porte pour redonner la lumière. Il y eut un long silence. Irène, arrêtée dans son élan, cherchait en vain à se rendre compte s'il avait changé de place. Hélas, Bulba avait prévu son mouvement et s'était blotti près de la porte, car à peine eut-elle tourné le bouton électrique qu'il bondit sur elle. Elle le vit, mais trop tard pour fuir. Déjà, il l'avait prise dans ses bras, à moitié fou, la bénissant et la maudissant tour à tour, la traitant de démon ou de petit pigeon tout d'une haleine. Elle sentit l'affreuse barbe effleurer son épaule et se tordit de désespoir et d'horreur. Il marcha reculons vers l'autre pièce, entraînant Irène, la portant presque. Ils atteignaient les rideaux lorsqu'elle poussa un cri de terreur. Mais ce n'était pas son propre danger qui avait arraché ce cri à Irène. C'était la vision, déjà entretenue une fois dans sa vie, de deux mains d'un blanc cadavérique sortant de la fente des rideaux. Elle tenait cette fois une mince corde écarlate qui entoura le cou de Bulba en moins d'une seconde. Celui-ci, râlant, à demi étranglé, lâcha la jeune fille. Elle tomba à la renverse, culbutant la table avec fracas. « Par ici, Altesse !» appela une voix creuse derrière la portière. Irène s'élança et entendit derrière elle le bruit de la chute de Bulba. Israël Kensky déjà se précipitait vers la porte et poussait la grande duchesse dans le couloir en disant « Par l'escalier de service !»